Les nuits en musique vous sont présentées par votre directeur musical, Daniel Marley. Écoutez CKRL tous les jours de la semaine durant les petites heures du matin et laissez-vous guider par l'humeur musicale de Daniel Marco. Les lundis urbains, les mardis 100% franco, les mercredis folk et worldly, les jeudis britpop et post-rock, les vendredis flashback et les samedis du métal avec DJ Ben. CKRL, la radio des découvertes, 24 heures sur 24, 7 jours, 7 soirs, même les dimanches. La radio culturelle à Québec. La radio culturelle à Québec. Bonsoir et bienvenue à Web Musique. C'est toujours Simon Roy en votre compagnie. Comme à l'habitude, je vous ai préparé une sélection de musique gratuite que j'ai trouvée sur Internet. La plupart sont disponibles sous une licence Creative Commons. Qu'est-ce que c'est les licences Creative Commons? C'est assez simple. C'est des licences qui ressemblent un peu au copyright, mais qui permettent aux artistes de diffuser leur musique gratuitement. Donc, ça énonce clairement les droits que les artistes veulent sur leurs pièces. Donc, c'est une bonne façon de partager la musique. Donc, c'est ça que je vais faire ce soir. Je vous partage la musique qui est disponible gratuitement. On va débuter avec une étiquette qui s'appelle Dominis Tekou. C'est une étiquette, mon Dieu, je vais vérifier, je ne me souviens plus exactement d'où est-ce qu'ils viennent. Je vous présente le groupe Elbis River. Il y a deux chanteuses. C'est un peu dans le style lo-fi, punk. C'est un peu dance aussi. Assez intéressant, je vous ai mis deux vidéos. Vous pouvez voir qu'est-ce que ça donne en spectacle. Donc, le groupe s'appelle Elbis River. Ça vient de la Pologne. Je vous fais entendre la pièce « Is that your animal? » Puis ça va être suivi par la pièce « Julia ». Deux pièces qui se retrouvent sur l'album « Jacek Volume 2 ». Ensuite de ça, sur l'étiquette « Paper Mill Records », une étiquette qui vient de la Colombie-Britannique. Je vous présente Baba Brinkman qui vient de Vancouver. Donc, c'est sur une compilation assez intéressante qui c'est des chansons de planteurs d'arbres. Donc, il y a beaucoup de trucs à la guitare, assez folk. Mais là, je vous ai trouvé une pièce qui est un peu hip-hop, un peu rap. Donc, la pièce s'appelle El Plantator. C'est par Baba Brinkman. Pour tout de suite, Elbis River. Is that your animal walking? This is what I'm repeating. I chant this to replenish, like a sandwich when you're famished. Under bandages, my hand is badly damaged, but I manage. By the handle, grip the brandish, my shovel as I plant this. Great expanse of forest vanished, where the planet has been branded. Trees get slammed into the slanted land with frantic speed I dance with. Hand in hand, sense of romantic, and I can't get disenchanted. I'm dragging my feet to get speed, I shift gears, I fiercely lift my knees and my fatigue disappears. My sweat drips swiftly, my lips bleed and get smeared, which I lick quickly, cause it's the sea mixed with tears. Clocks tick 6 years as I walk between trees, and the slash is deep with distracting green leaves. My dreams lead and I seem to be fast asleep. I'm trapped in a deep trance, but I plan masterfully. I stand half deceased at the end of my last creek, when my hand slaps the tree in the sand, that's just sweet. And actually it's past belief the feats I've had to pull, wrapped in these rags of old tree bags full. I'm like a black sheep, that's track meet speed compatible. To pass me, you have to be released by a catapult. And every word that I speak is autobiographical. So follow my path, it's all flagged with red tape. And I shed weight with each microsite I impregnate. My shredded legs keep me upright to levitate. Up the block every day, but the rocks never break. I've got to measure space, do whatever it takes. Some nights I lie in bed awake and shiver and shake. But I never let a late night get in the way. Cause every second I waste is like instead of my pay. So when I've got to separate my head and escape from all the effort it takes, I just rap to meditate. I chant this to replenish, like a sandwich when you're famished. Under bandages, my hand is badly damaged, but I manage. By the handle, grip the brandish, my shovel as I plant this. Great expanse of forest vanished, where the planet has been branded. Trees get slammed into the slanted land with frantic speed I dance with. Hand in hand, sense of romantic, and I can't get disenchanted. C'était Baba Brickman à Web Music, la pièce El Plantator. Donc, ça se retrouve sur l'étiquette Paper Mill Records, une étiquette qui nous vient de la Colombie-Britannique. C'est une compilation qui parle de chansons de planteurs d'arbres, donc c'est assez varié. Ça reste quand même assez du côté folk. Il y avait cette pièce-là qui était un peu plus... Mon Dieu, un peu blues rap, si on veut. Avant ça, je vous ai fait jouer Elbis River, un groupe qui vient de la Pologne. On entendait la pièce Julia, puis c'était précédé par Is That Your Animal? Donc, deux pièces qui se retrouvent sur l'excellent album Jacek Volume 2. Donc, c'est un groupe à découvrir. Je vous ai mis les vidéos du groupe sur la page qui est au www.webmusic.org. Donc, vous pouvez aller voir les vidéos de ce groupe-là. C'était sur l'étiquette Dominis Tekou. On poursuit avec une étiquette qui nous vient de l'Allemagne cette fois-ci, qui s'appelle Kreschloff. Je vous fais entendre Night Effect, un artiste qui vient de Budapest en Hongrie. Je vous fais entendre sa pièce Naked Swords. Puis ensuite de ça, une autre étiquette polonaise qui s'appelle Equalitech. Je vous fais entendre l'artiste Maskin. C'est sa pièce Maszini. C'est un peu dub, vous allez voir, c'est assez planant. Donc pour tout de suite, Night Effects. Thank you. C'était Maskin, la pièce Mazzini. C'est une pièce un peu dub. C'est par l'étiquette Equalitech, une étiquette polonaise. Avant ça, vous avez entendu Night Effect, la pièce Naked Swords. Donc, Night Effect, qui vient de Budapest en Hongrie. C'était sur l'étiquette Kreschloff, une étiquette allemande. Je vous rappelle que si vous avez manqué le début de l'émission, ben vous allez pouvoir le réécouter par la suite. Donc, en balado-diffusion, pour ça, ben, vous vous rendez sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.org. Donc, vous pouvez télécharger les émissions passées et les écouter quand bon vous semble. Pour compléter cette demi-heure, on va entendre Martez, la pièce Godless. C'est Martez qui vient des Pays-Bas. C'est sur l'excellente étiquette Phantom. Donc, une pièce quand même assez longue, assez planante. Je vous invite à monter le son dans le fond pour écouter ça. Si vous avez des écouteurs, ben c'est encore mieux. Donc, Marthèse. Thank you. des Pays-Bas, c'était Martez avec la pièce Godless. C'est sur l'étiquette Phantom, une étiquette qui vient des Pays-Bas. Donc, je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces que vous entendez à l'émission. Pour ça, ben, c'est assez simple. Vous vous rendez sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Vous avez les liens vers les artistes et vous avez quand même pas mal d'informations. Ça fait quelques temps que je poste toutes les playlists des émissions. Donc, vous avez accès à vraiment une grosse banque de musique gratuite. Je vous invite à venir faire un tour. Pour nous autres, ben, on va faire une courte pause, puis ben, on revient par la suite. Bureau des plaintes, bonjour. Oui, j'appelle pour signaler un petit quelque chose de bien bizarre, là. Oui, allez-y, je vous écoute. Ben, l'autre jour, j'ai fait sortir mon chat, là. Il est revenu, là. Mais il était comme tout emballé dans du papier journal. Du papier journal? Ouais, du journal, là. Il était comme tout couvert. Impact Campus, on couvre votre quotidien. Impact Campus, le journal des étudiants de l'Université Laval, disponible gratuitement tous les mardis. De retour à Web Musique, c'est Simon Roy qui vous parle. Pour poursuivre l'émission, ben, je vous propose un artiste qui est sur l'étiquette Kunabu, une étiquette qui nous vient de la Pologne. L'artiste s'appelle Peek. Je vous fais entendre sa pièce Dark Suit. Donc, Peek qui vient de l'Italie. Puis ensuite de ça, je vous fais entendre Dropout, un artiste espagnol qui est sur l'étiquette Anti-Rhythmo, une étiquette donc espagnole. Je vous fais entendre la pièce Bukake. Pour tout de suite, Peek avec la pièce Dark Suit. Wow.

C'était Dropout qui vient de l'Espagne, la pièce Bukake. Avant ça, on entendait Peak, la pièce Dark Suit, donc Peak qui vient de l'Italie. C'était sur l'étiquette Kunabu, une étiquette polonaise. Pour poursuivre Web Music, je vais vous faire entendre Fralar. C'est sur l'étiquette Breathe Compilations. Je vous fais entendre la pièce Ribete Van. Puis ensuite de ça, je vous fais passer un artiste français qui s'appelle Zra. Je vous fais entendre la pièce Grotesque. C'est sur l'excellente étiquette Deep in Dub. Donc, je vous la recommande énormément. Ils ont toujours plein de matériel. De ce temps-ci, ils ont beaucoup de... comme des DJ mix. Donc, c'est des pièces qui sont quand même assez longues. Souvent, une demi-heure, 45 minutes, même une heure. Donc, ça vaut la peine d'aller faire un tour de leur côté. Donc, pour tout de suite, Fralar, la pièce Rébété Van. Thank you. Thank you. C'était Zra avec sa pièce Grotesque. C'est sur l'étiquette Deep in Dub. Avant ça, on entendait Fralar avec la pièce Ribété Van. Donc, c'était sur l'excellente étiquette Brit Compilations. Ça va être tout pour Web Music. Je vais vous faire passer une dernière pièce. Puis ensuite de ça, ça va être Jason Vlasak avec son excellente émission Jazimus actuel. Donc, je vous rappelle que les pièces que vous avez entendues ce soir, puis à toutes les émissions, bien, vous pouvez les télécharger gratuitement. Pour ça, bien, vous vous rendez au www.webmusic.org. Vous avez les références vers les artistes pour télécharger. Aussi, bien, si vous êtes amateur de Twitter, bien, durant la semaine, je publie un peu des trucs qui ont rapport à la musique, des fois des vidéos. Donc, vous pouvez venir suivre l'émission sur Twitter. Pour ça, bien, vous rendez-vous sur le blog, vous allez voir le lien. Donc, on va se laisser avec une pièce des Crystal Castles. Je vous fais entendre la pièce Crime Wave. Puis, ben, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h pour une autre émission de Web Music. Bonne nuit.